Le journal Internet sud-coréen La Voix du Peuple a publié le 20 un éditorial contre le gouvernement sud-coréen qui n'ose protester aux États-Unis malgré la gravité de l'état de pollution de l'environnement à la base militaire américaine de Ryongsan, Séoul. Par ailleurs, selon Yonhap News, les formations civiles sud-coréennes, notamment l'Action nationale contre la disparition de Saad, ont tenu le 18 devant le siège du ministère des Affaires étrangères une conférence de presse exigeant l'interruption immédiate du déploiement de l'armement américain. D'autres formations telles que le Rassemblement des avocats pour la société démocratique ont également tenu le même jour une conférence de presse pour condamner le gouvernement d'avoir offert à titre gratuit de façon illégale le terrain pour Saad.